Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à tripes collées. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline, au grand trot des deux chevaux, dévala rondement sur le quai, longeait la ligne des grands navires, dont les mâts, les vergues, les cordages, se dressaient tristement dans le ciel ruisselant, comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du mont Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies. Et de temps en temps, un sol noyé, les branches pendantes, avec un abandonnement de cadavres, se dessinait gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les quatre roues faisaient des soleils debout. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma ses paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes, monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air. Et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait. Et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et, sous la pluie acharnée, les croupes luisantes et les deux bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne, peu à peu, s'endormait. Sa figure, qu'encadrait six boudins réguliers de cheveux pendillants, s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les trois grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient, tandis qu'entre ses lèvres, entr'ouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha vers elle et posa doucement, dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla, et elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit. De l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait. Et la gaieté de sa fille partit en fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et, le lui posant sur les genoux, « Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme Deletot. Je l'ai vendu pour faire réparer les peuples où nous habiterons souvent désormais. » Elle compta 6 400 francs et les mit tranquillement dans sa poche. C'était la 9e ferme vendue ainsi sur 31 que leurs parents avaient laissée. Ils possédaient cependant encore 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrées, auraient facilement rendu 30 000 livres par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond, toujours ouvert, la bonté. Elles tarissaient l'argent dans leurs mains, comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela coulait, fuyait, disparaissait. Comment? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait. J'ai dépensé 100 francs aujourd'hui sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie, et ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante.